juste avant de laisser Marie présenter, qui a fait jeu de soir, je fais un petit rappel sur le format. Donc, on aura deux interventions de Laurent et Stéphane ce soir, de 15-20 minutes. Ensuite, dans une deuxième phase, on passera à un débat sous forme de questions-réponses, où vous poserez des questions aux intervenants. Et on finira par parler tous ensemble autour de petits gâteaux et poissons. Ouais. Ouais, je te laisse. Alors moi, je voulais juste introduire un peu le sujet. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement à la voiture aujourd'hui? En quoi c'est intéressant? Pour plusieurs raisons en fait, mais principalement parce que la voiture est généralement remise en question de tous côtés. D'une part, parce que la voiture environnementalement, ce n'est pas durable. On est dans un contexte de développement, enfin d'adoption au développement durable, de changement climatique, etc. Donc la voiture, à terme, c'est pas possible. Et puis, financièrement aussi, la voiture est problématique, devient de plus en plus problématique, notamment pour des ménages qu'on appelle vulnérables, donc pour qui la voiture, ça devient quasiment un luxe. Et puis, si on parle à long terme, avec le pic pétrolier, avec la raréfaction du pétrole, etc., le système automobile, on ne va plus pouvoir continuer à l'assumer comme aujourd'hui. Donc la question, évidemment, c'est quelles alternatives à la voiture ? Ce soir, on ne va pas parler d'alternatives techniques, on ne va pas parler de voitures électriques ou de voitures hydrogènes, etc. On va plutôt parler d'alternatives organisationnelles, donc du covoiturage, de l'autopartage, voire on aurait pu parler d'autostop de proximité, etc. Donc on va s'interroger finalement sur aujourd'hui qu'est-ce que ça représente, le covoiturage et l'autopartage. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de développement pour ces alternatives? Comment est-ce qu'elles sont appropriées par les ménages? Comment les pouvoirs publics encouragent l'appropriation de ces alternatives? Voilà, donc c'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre ce soir. Alors, pour présenter rapidement nos intervenants, donc Laurent Cali est enseignant-chercheur à l'Université de Tours, donc au laboratoire CITER. Laurent s'intéresse plus particulièrement au territoire périurbain, et en particulier aux modes d'habiter des ménages du périurbain. Donc les modes d'habiter, c'est les modes de vie, les modes de consommation, les socialités, et puis ce qui nous intéresse ce soir finalement, c'est les pratiques de mobilité. Et alors, dernièrement, Laurent, tu t'es intéressé aux arrangements, aux adaptations, aux innovations que les ménages mettent en place dans le contexte que j'ai mentionné, de développement durable, etc. Et puis Stéphane Taillebois est chargé de mission à la communauté d'agglomération de Tours, à la direction développement durable. Et donc Stéphane travaille à la mise en place du PCET, donc plan climat, énergie, territoire de l'agglomération. Et donc ses missions, c'est d'un côté tout ce qui est santé environnement, donc qualité de l'air, bruit, qualité de l'eau, etc. Et puis ce qui nous intéresse là, c'est tout ce qui a trait aux mobilités. Donc à la promotion de solutions alternatives à la voiture, train, covoiturage. Donc une promotion qui se fait d'une part auprès des entreprises, d'autre part auprès des élus. Donc Stéphane va vous expliquer comment tout ça se met en place. Donc je vais laisser la parole à Laurent pour intervenir. Merci Mario. Je pense que j'ai pas besoin de prendre le micro, ce sera peut-être plus agréable. Donc merci aussi aux organisateurs des cafés Géo et merci à Stéphane d'avoir accepté de partager ce café Géo. C'est un plaisir parce qu'on a fait partie de la même promo de licence, donc comme quoi la géographie tourangelle mène à Tours et à Divergeois, mais qui nous permet de nous rejoindre ce soir autour de cet objet très intéressant qui est le covoiturage, alors qui est un objet nouveau pour moi, donc je vous demande un peu d'indulgence et parce que c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler, le covoiturage en début d'année, donc par le dépouillement d'enquêtes qualitatives. Et donc le premier article est à sortir pour le printemps prochain. Donc je suis au démarrage d'une recherche sur cette question. Alors avant de peut-être rentrer sur deux petites questions et sans beaucoup d'ambition sur pourquoi on covoiture et comment on covoiture, je vais peut-être d'abord définir ce qu'on entend par covoiturage en général et par covoiturage périurbain en particulier. Finalement, c'est assez intéressant quand on lit un peu la littérature parce qu'on définit le covoiturage plutôt par ses effets attendus, ses promesses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de promesses autour de cette pratique en termes de diminution de la congestion urbaine, de limitation de la pollution, d'abaissement des coûts de transport. Mais il faut d'abord partir de qu'est-ce que c'est le covoiturage, hein, qu'est-ce que ça a de spécifique. Alors effectivement, comme on le sent implicitement, c'est eh bien une pratique de déplacement qui se caractérise par l'usage collectif de l'automobile, hein, qui engage un conducteur non professionnel, donc c'est la différence avec le taxi, et un ou plusieurs passagers qui partagent le véhicule sur toute ou partie d'un trajet, et dans l'objectif de mutualiser les frais occasionnés par ce trajet. Donc le covoiturage, dit partage d'un habitacle, et qui effectivement distingue, et même c'est son principe d'opposition, hein, le covoiturage de la pratique de l'auto-solo, hein, sachant que l'auto-solo est la norme sociétale, si je puis dire, puisque 90% des déplacements domicile-travail, par exemple, selon l'ADEME, sont réalisés en automobile individuel, individuellement, dans l'usage individuel de l'automobile. Et il faut distinguer aussi le covoiturage de l'usage familial, eh bien, de l'automobile, hein, quand on a un même lieu de départ et un même lieu de destination, qu'on est en famille, évidemment, ça échappe au covoiturage. J'ai l'habitude de dire que le covoiturage est un peu à la mobilité ou à la mobilité automobile, ce que la colocation est au logement, hein, c'est-à-dire ça implique le partage d'un espace, ça implique eh bien, des sociabilités minimales, en tout cas un minimum de sociabilité, ça implique des règles communes, et ça se trouve finalisé dans la majorité des cas hein, par le partage effectivement des frais occasionnés par le transport. Donc en ça, effectivement, le covoiturage, et ça donne du sens au titre qui a été proposé pour cette intervention, enfin pour ce café Géo, est quand même à mi-chemin entre la voiture et le transport en commun, et beaucoup plus proche de ça que de l'autopartage, hein, dont on va peut-être parler, qui est une forme de location ponctuelle et à court terme d'une voiture hein, qui se développe. On en parlera tout à l'heure, dans les grandes agglomérations urbaines. Voilà un petit peu pour dire ce qu'on entend par le covoiturage. Alors, l'histoire, très brièvement, de cette pratique, le covoiturage, comme pratique est fille de l'autostop, hein, et plutôt, en fait, d'une forme dérivée, voire déviante de l'autostop, qu'on appelle l'autostop organisé. En France, en 58, naît une association qui s'appelle Allostop Provoya, Provoya étant le numéro de téléphone de cette association qui propose pour la première fois une forme organisée d'autostop, ce qui est un peu une contradiction dans les termes, puisque pour principe l'autostop n'est pas organisé, une association, un local, un central d'appel, une adhésion qui, quand on contacte cette association, met en rapport une offre de transport hein, et une demande de transport longue distance qui, à cette époque, hein, d'après ce que j'ai pu lire, mais plutôt en rapport, on va dire, des conducteurs motorisés, et plutôt assez aisés, parce que dans les années 50, effectivement, et puis des gens comme les étudiants qui n'ont pas accès encore à l'automobile individuelle. Mais tout ça sur une logique de longue distance. Alors, c'est à partir de ça, hein, cet autostop organisé, on est déjà finalement dans une forme première de covoiturage, et dans une forme première de covoiturage qui se distingue quand même de l'autostop. Il y a effectivement le partage de l'habitacle collectif en commun, mais le principe, c'est quand même le partage des frais. Alors, quand on fait du stop, hein, le principe, c'est la gratuité. Il y a effectivement le principe d'organisation, c'est-à-dire que dans le covoiturage, c'est prévu à l'avance. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait sur la route de manière inopinée. Et puis, c'est quand même la différence, c'est qu'en gros, l'autostop, c'est plutôt le voyage avec un inconnu, tandis que le covoiturage, c'est plutôt un voyage avec quelqu'un, au moins avec qui on a été en contact, si ce n'est avec quelqu'un dont on qu'on connaît au préalable. Donc, on n'est pas exactement dans le même régime ou registre de mobilité. Hein. D'un côté, l'autostop, c'est quand même plutôt la lenteur, l'aventure, la rencontre avec un autre, hein, alors que le covoiturage, on est dans un régime de mobilité plus contrôlé, plus maîtrisé, hein, avec une maîtrise du temps, une maîtrise de la relation sociale, hein, et une maîtrise aussi du trajet qui est plus difficile en autostop. Donc c'est pas un hasard si effectivement le grand succès, la grandeur de l'autostop, c'était quand même des années 70, hein, comme mode un peu aussi marqué par une image cool, et que effectivement la période contemporaine, avec sa logique un peu plus sécuritaire, avec aussi sa logique de vitesse et d'empressement, voit se développer une forme de mobilité qui est effectivement davantage fondée sur une logique de contrôle. Ce covoiturage, il s'est développé. Il est ancien, c'est pas un phénomène nouveau. Il a préexisté au mot covoiturage lui-même, qui naît très tardivement. J'ai découvert ça hier. En fait, le mot covoiturage apparaît dans les textes officiels en 89 et apparaît dans le dictionnaire au début des années 2000. Bon, évidemment, décrit quelque chose qui préexistait, mais qui effectivement a connu une croissance assez forte, à retardement sur les États-Unis, sur l'Europe du Nord dans les années 90 en France. D'abord pour le covoiturage longue distance, et ensuite pour le covoiturage local. Les grands sites, les associations d'abord, mais après les sites internet comme BlaBlaCar, ont joué un rôle majeur dans le développement du covoiturage. Et BlaBlaCar, qui est le premier site organisateur aujourd'hui de covoiturage, se vante quand même de 10 millions de membres, ce qui fait un sixième de la population française, et de 2 millions de covoitureurs qui effectueraient au moins un voyage par an. Donc c'est, pour le covoiturage longue distance, pas un phénomène marginal. Et quant à la mobilité locale, au covoiturage local, l'ADEME estime qu'il y a 3 millions d'actifs qui utilisent le covoiturage pour se rendre à leur travail, ce qui représente 10% des actifs, ce qui, à mon avis, est assez surestimé. C'est-à-dire c'est des gens qui peuvent quotidiennement, mais parfois souvent occasionnellement, recourir au covoiturage. Mais en tout cas, il y a un décalage très important entre cette montée en force de la pratique de covoiturage à la fois longue distance et locale, et finalement l'absence complète de connaissances scientifiques et de travaux sur cette question du covoiturage. C'est-à-dire qu'il n'y a à peu près rien. Pour avoir fait un état de la bibliographie, il y a une thèse de sociologie sur l'altermobilité qui effectivement a deux parties, sur la très bonne thèse de Stéphanie Vincent, qui est une partie sur le covoiturage, sur les acteurs, la gouvernance du covoiturage, une partie sur les pratiques, mais et puis il y a deux travaux de psychosociologues sur le covoiturage, c'est à peu près tout ce qu'on trouve concrètement en littérature. Donc voilà. Alors d'où mon idée de travailler sur le covoiturage, mais un petit peu dans une approche particulière que je voudrais expliciter. Moi, je travaille, comme l'a dit Marie au départ, sur les périphéries urbaines, sur la transformation des comportements de mobilité dans les périphéries urbaines. Pourquoi travailler sur les transformations de comportement de mobilité? Parce qu'effectivement, la mobilité périurbaine est un peu sous tension, dans un contexte un petit peu d'épreuve. Le périurbain se porte bien, très bien même, et toujours bien, mais effectivement, il est fondé sur un régime de mobilité qui, a priori, est plutôt pas très durable, c'est-à-dire que dans le périurbain, 90% des déplacements sont opérés en voiture, et 90% de ces 90% en voiture solo. Et la voiture, l'usage individuel de la voiture, elle est vraiment le ressort du mode de vie et du mode d'habiter. C'est-à-dire que la voiture permet de relier au quotidien à la fois ses activités et ses lieux de vie, et de faire la couture en fait du quotidien urbain. Donc, sauf que cette voiture, elle coûte de plus en plus cher, elle pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Et effectivement, elle a quelques méfaits dont la société s'accommode de moins en moins. Et la question effectivement des changements de comportement de mobilité dans les périphéries urbaines est une question vive. D'autant plus vive que, en gros, dans les centres urbains, on voit que la révolution, elle est lente, elle est fragile, mais elle est en marche. Et on voit bien quelles sont les grandes solutions, le tramway, l'autopartage, les sites propres, le vélo, la politique du cyclable. Dans le périurbain, les solutions de mobilité sont moins simples. Pourquoi? Parce que les TC existent, les TC effectivement se renforcent, mais les TC ne sont pas une solution toujours efficace pour résoudre les questions de mobilité. Pourquoi? Parce que l'empire de la ligne, qui est le propre des TC, s'accommode mal du diffus. Pourquoi? Parce que dans le diffus, implanter des transports en commun, c'est pas forcément très rentable économiquement et très efficace en termes, par exemple, de desserte horaire. Et d'autre part, ce qu'on sait moins, et ce que savent les gens qui travaillent sur la mobilité, c'est que dans le périurbain, comme d'ailleurs ailleurs, mais c'est que les flux de mobilité sont très éclatés géographiquement, et que la ligne n'est pas forcément le plus adapté pour traiter des flux qui sont de plus en plus browniens. Et en fait, le covoiturage apparaît dès lors comme finalement une altermobilité, hein, j'entends par là une mobilité alternative à l'automobile, qui offre des solutions intéressantes hein, en gardant de la voiture le confort, hein, la vitesse et en gardant une certaine flexibilité spatiale, temporelle et spatiale. Et du coup, il y a un enjeu, effectivement, de connaissance autour de ce covoiturage périurbain. Alors, enjeu renforcé par le fait que, même si on n'a pas de mesures statistiques, on sent bien qu'il y a un développement assez fort du covoiturage dans les périphéries urbaines. C'est une pratique ancienne. On covoiture depuis tout le temps dans le périurbain pour gérer les enfants, les activités des enfants. On covoiture depuis longtemps pour le travail un petit peu. Mais on sent que dans le contexte actuel, et notamment à partir de 2008, où il y a eu quand même une augmentation significative du prix du carburant, il y a un essor qui se traduit plutôt d'un point de vue paysager hein, et qui est mesurable en termes paysagers par l'essor de parkings informels, hein, puis aménagés, et quand ils sont aménagés, par un taux de remplissage qui devient assez vite intéressant, et d'ailleurs qui est souvent plus intéressant que le remplissage des parkings relais. Il y aurait une vraie étude à mener là-dessus. Donc là, c'est le signe tangible, en tout cas pour nous, qu'il y a quelque chose qui se passe autour du covoiturage périurbain. L'autre intérêt que je vois de travailler là-dessus, c'est que le covoiturage pose la question du collectif. On a souvent tendance à rejeter le périurbain du côté de l'individualisme et du repli sur soi, y compris alors en termes résidentiels évidemment, mais aussi en termes mobilitaires. Et justement, le développement du covoiturage nous parle d'une organisation collective, nous parle de solidarité collective dans le périurbain et nous parle peut-être de quelque chose qui relève du lien social. Et en tout cas, moi, c'est en ça que j'ai envie de l'interroger et nous parle peut-être aussi d'une économie au sens large hein, participative et collaborative hein, qui effectivement illustre d'autres formes d'organisation de la société. Alors je nuancerai tout à l'heure, mais dont une partie en tout cas portée par certains acteurs renvoie à peut-être l'émergence d'une contre-culture qui n'est pas tout à fait celle du capitalisme hein, et de l'individualisme dominant. Et puis ce qui est intéressant enfin dans le covoiturage, c'est que c'est une logique bottom-up. C'est-à-dire ce qui me semble intéressant de voir dans le covoiturage, c'est que les politiques sont un peu en remorque des acteurs ordinaires. C'est-à-dire que c'est quand même une pratique d'auto-organisation des ménages au départ, hein, qui vient par le bas, d'où les parkings informels, sauvages, hein, ou l'exploitation sauvage des parkings de supermarchés. Et effectivement, qui interpelle le politique. Et le politique s'en saisit par. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça pose la question de comment finalement les politiques peuvent accompagner quelque chose qui arrive et qui est plutôt une demande sociale par le bas. Alors, après, comment moi je traite cette question du covoiturage ? J'essaye de ne pas la traiter de manière classique, c'est-à-dire ce que j'appelle la manière classique, c'est une approche technique transport, un peu fonctionnaliste, d'identifier des motifs, des leviers ou des freins. Ce qui me semble intéressant, c'est d'aller un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire d'étudier les modalités d'organisation du covoiturage et d'essayer de faire l'hypothèse que finalement c'est en comprenant mieux, de manière qualitative, les modalités d'organisation du covoiturage qu'on va mieux comprendre les conditions de sa mise en œuvre et de sa pérennisation hein, sous certaines configurations. Alors ça implique effectivement de mener des entretiens qualitatifs longs et notamment de mener des entretiens embarqués. Ça veut dire qu'on s'embarque avec les individus, avec les covoitureurs, pour mener des entretiens en situation, hein, pour mieux comprendre aussi ce qui se passe dans cette situation particulière de covoiturage. Et d'interroger à chaque fois eh bien, quelles sont les conditions géographiques de ce regroupement, quelles sont aussi les adaptations temporelles que ça implique, hein, et puis aussi quelles sont les relations sociales qui nourrissent et se développent dans cette situation particulière qui est une situation de covoiturage. Donc d'un point de vue théorique et épistémologique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants dans la salle, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à développer, en tout cas ça justifie de développer une analyse pragmatique, alors là c'est pour les gros mots, des mobilités, c'est-à-dire une analyse des mobilités qui prend le point de vue de l'action, hein, c'est-à-dire de la mobilité en situation. Alors, pour repartir sur quelque chose de plus trivial, pourquoi en covoiture, et j'essaye de faire la synthèse entre les études quanti et puis mes résultats quali, d'où d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on covoiture d'abord localement, donc je parle de covoiturage local, pour des raisons économiques. Il peut s'agir d'un recours contraint au covoiturage en période urbaine pour des étudiants, pour des chômeurs, pour des personnes durablement ou ponctuellement non motorisées, panne de voiture, etc. Ou alors il peut s'agir de stratégies de rentabilisation de sa mobilité. Et ça, on voit ça, à mon avis, plein de se développer. D'ailleurs, c'est une des raisons des annonces multiples sur les sites nationaux et locaux, hein, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à économiser, enfin à partager les frais, hein, dans une logique de rentabilité du coût de leur mobilité. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de relativiser, en tout cas, les discours techno ou les discours politiques sur le covoiturage qui l'assimilent à une pratique écomobile, hein, c'est-à-dire la place d'emblée comme une pratique sous-tendue par des logiques de durabilité et d'écologie. Non, enfin, en tout cas, majoritairement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... ça ne peut pas se produire, mais c'est d'abord une pratique menée pour des raisons économiques, et ce, d'autant plus qu'on est dans des catégories sociales à faible ou à revenu moyen, hein, puisque le motif économique est très majoritaire dans ces deux strates de revenus. Le motif environnemental, lui, il est présent, et dans les catégories intermédiaires, il est souvent hybridé avec la logique économique. Et par contre, il est très très présent, le motif environnemental, chez les catégories aisées, puisqu'il est en gros, il représente 75% des gens qui disent covoiturer, hein, au nom de l'écologie, au nom de la protection de l'environnement, au nom de la limitation de la pollution, etc. etc. Donc à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale, hein, on est dans un covoiturage aussi qui est moins contraint, qui est plus choisi et qui est plus énoncé et justifié par des systèmes de valeurs. Il y a un troisième registre qui est le registre du militantisme solidaire, qui est un peu différent du registre environnemental. C'est l'idée qu'on covoiture pour rendre service, hein, parce qu'il faut être solidaire, parce qu'on peut rendre service à des gens, par exemple, qui n'ont pas de voiture, que c'est quand même un peu bête d'être tout seul dans sa voiture, tous dans les bouchons, hein, que c'est aussi convivial. Donc il y a une espèce de registre, hein, qui est celui du militantisme solidaire, et qui représente entre 10 et 20% des individus et des raisons de covoiturer, et qui est équitablement réparti suivant les groupes sociaux. Voilà en gros pour avoir un petit peu les explications. Ça, une fois qu'on a dit ça, l'entrée par les motifs, elle éprouve des limites, hein, puisque en fait quand on creuse derrière le motif protection de l'environnement, on a effectivement des constructions sociales qui sont plurielles. Chaque individu a aussi ses manières de hiérarchiser différemment ses propres motifs. Et il y a des motifs qui viennent en pratiquant. Notamment, par exemple, on découvre en pratiquant le covoiturage que c'est convivial et que c'est finalement assez sympathique. Et donc après, ça devient quelque chose qui peut passer au premier plan. Voilà. Et autre limite des motifs, c'est que les motifs n'expliquent pas tout, hein, parce qu'effectivement, il y a toujours des gens, des écologistes convaincus, par exemple, qui ne covoiturent pas, parce qu'effectivement, une grande partie de la pratique effective dépend de bien d'autres choses et dépend en partie, effectivement, de l'acceptation par l'individu d'un certain nombre de contraintes, hein, en tout cas de règles, qui sont liées à la situation de covoiturage elle-même. Alors c'est justement ces règles, en tout cas ces logiques, que j'essaye d'appréhender dans plutôt une réflexion sur comment on covoiture. Alors comment on covoiture, il y a trois plans, c'est-à-dire d'abord comment on fait avec l'espace, d'abord ensuite comment on fait avec l'autre, et ensuite comment on fait avec le temps. Faut que je coupe. Ah, j'ai déjà fait 20 minutes. Donc, bon, alors juste pour dire qu'il y a quand même une logique spatiale du covoiturage périurbain, hein, avec globalement une organisation en sablier, hein, avec des aires périurbaines résidentielles de départ, un tuyau principal, on va dire, qui correspond à un axe routier ou autoroutier, et puis le cœur d'agglo qui généralement constitue la zone de desserte, tout ça organisé par effectivement des lieux qui sont des lieux de dépose ou plutôt des lieux de ramassage. Donc on est dans une organisation en réseau, et effectivement le covoiturage a d'autant plus de chances de bien fonctionner que cette ossature linéaire, elle supporte un nombre conséquent de flux qui représente un potentiel de covoitureur. C'est pour ça que c'est plus simple, par exemple, pour être clair, que de faire du covoiturage entre Azay-le-Rideau et Tours qu'entre Azay-le-Rideau et Sorigny. Donc on a toujours une organisation, et quand on regarde le site et la carte du site et même des offres, qui est relativement centrifuge ou centripète, ça dépend, mais en tout cas qui est très centre-périphérique. Une fois qu'on a dit ça, cette organisation spatiale du covoiturage ou géographique, elle est très différente suivant la manière dont on covoiture. J'ai dissocié trois modes de covoiturage, qui est un peu schématique, mais un covoiturage qui passe par les sites internet, que j'appelle un covoiturage d'opportunité, un covoiturage ponctuel, en tout cas qui met ponctuellement en relation un conducteur et un équipier, chose qui n'est pas amenée à se renouveler dans le temps, et là on est plutôt dans le modèle de télescopage des flux. Alors que dans d'autres formes de covoiturage coopératif, plutôt construit dans la longue durée, on est plutôt dans la stabilité de l'architecture géographique, du covoiturage. Donc ça, c'est intéressant de travailler sur cette géographie du covoiturage parce qu'elle nous dit des choses, finalement, des possibilités et des impossibilités de covoiturer, et puis du caractère durable ou éphémère des solutions de covoiturage. Juste, après je m'arrête, j'évince la question du temps, on y reviendra dans les questions. Ce qui est très important, c'est la relation de covoiturage, elle est au centre. Le covoiturage, c'est d'abord une relation de confiance, c'est aussi une relation de bonne distance entre le conducteur et les équipiers, avec des règles de cohabitation. La confiance, elle se construit d'abord par une prise de contact, et les sites internet sont des éléments qui, effectivement, favorisent la prise de contact, avec leurs limites. Enfin, je le dis maintenant, mais il y a eu un événement dans l'Hérault qui a été assez saisissant, où une juge a pris en covoiturage sur Blabla deux des accusés du procès, sans s'en apercevoir au départ et puis en s'en rendant compte, mais sans renoncer à déposer les gars, finalement, elle a été obligée de s'évincer du procès pour s'être compromis. Donc, mais bon, globalement, voilà, cette prise de contact, elle doit permettre quand même une petite connaissance qui a un gage minimal de confiance. Et puis elle fonctionne souvent, parfois, sur une interconnaissance préalable. Mais surtout, la confiance, elle est du premier temps de conversation qu'il y a dans la situation de covoiturage, qui est très important, qui est vraiment un impératif. C'est-à-dire qu'autant dans les transports en commun, le modèle dominant, c'est plutôt le modèle du repli sur soi et la règle périphérique, c'est l'ouverture à l'autre. Dans le covoiturage, c'est l'inverse. Il y a une injonction à discuter. Ça ne veut pas dire qu'on doit parler tout le temps, mais en tout cas, il y a un minimum syndical. Tout ça pour... voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est très important, c'est beaucoup valorisé, y compris d'ailleurs pour des gens qui ont au départ une logique de covoiturage utilitaire, fonctionnelle, voire économique, qui disent « Ah ouais, mais c'est aussi assez sympa, on fait des belles rencontres, on discute de sujets intéressants. » Bon, il y a des fois... il y en a un qui est relou, on verra, ça fait partie de la règle du jeu. Mais en tout cas, les gens ont assez peu finalement d'exemples où cette sociabilité, elle est dénigrée. C'est plutôt quelque chose qui est valorisé dans l'expérience du covoiturage. Maintenant, suivant les types de covoiturage que j'évoquais, ces relations, elles sont assez différentes. Parce qu'on a dans un cas des relations qui sont très très ponctuelles, qui sont vraiment des relations uniquement de voiture, et puis dans d'autres formes de covoiturage qui s'étendent au voisinage, soit résidentiel, soit professionnel, soit les deux, on a des formes de continuité, c'est-à-dire qu'on covoiture avec son voisin, on covoiture avec sa collègue, parfois son voisin est aussi la collègue, ou les parents d'élèves, et du coup, effectivement, on a des formes de métissage de la sociabilité dans cette situation de covoiturage. Et puis, ça implique aussi une coordination des temps, mais dont je vous reparlerai dans les questions. Merci Laurent. Je vais essayer de compléter un petit peu le propos, non pas de manière contradictoire, parce que je pense que ce que tu as dit était juste et manière générale, très bien argumenté. Moi, je vais aborder plutôt le covoiturage d'une manière. D'une manière un peu plus locale, puisque le covoiturage rentre pleinement dans la partie mobilité de notre plan climat énergie territorial. Alors, qu'est-ce que c'est que le PCET ? C'est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Alors, la lutte contre le changement climatique, à notre niveau, elle va être assez modeste, mais on essaie quand même. C'est un exercice qui est rendu obligatoire, institué par les colonels 1 et 2, et donc les collectivités locales se doivent de monter un plan climat énergie territorial. En tout cas, celle de plus de 50 000 habitants, ce qui est le cas pour la ville de Tours et pour l'agglomération. D'autres communes de l'agglomération se sont portées volontaires dans ces plans climat énergie. Donc c'est une volonté encore un peu plus politique encore de faire un effort vis-à-vis de ce développement durable. Donc ce plan climat est révisable tous les 5 ans. Il vise à réduire l'impact de nos activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre et puis de réduire un petit peu aussi nos dépendances face aux énergies fossiles. Pour ce faire, on a plusieurs axes. On va parler de mobilité bien sûr, mais je voulais évoquer quand même les autres parce que ça me paraissait aussi important. C'est notre colonne vertébrale du plan durable, notre axe de travail. Donc on va parler d'énergie, on va parler de rénovation du bâti, on va parler de biodiversité et bien sûr de mobilité. Ce sont en tout 56 actions qu'on a mis en œuvre, qu'on essaye de mettre en œuvre depuis 2011. 56 actions, vous connaissez peut-être ce petit nuancier, donc sur toutes les thématiques dont j'ai évoqué à l'instant. Sur la mobilité, on va faire des actions sur le covoiturage, bien évidemment, je vais y revenir, mais à la fois sur l'éco-conduite, sur l'autopartage, sur le vélo, bref, tout ce qui va permettre une promotion des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et de diminuer un peu notre impact carbone. Il faut savoir qu'au niveau de l'agglomération, notre bilan carbone, qu'on a établi en 2009, s'élève à 2,4 millions de tonnes équivalent CO2, donc ça paraît un peu énorme, et la partie fret et déplacement arrivent respectivement en troisième et en quatrième position avec 16 et 15% du total de ces émissions. Donc on a à agir aussi bien évidemment là-dessus. Et puis donc c'est aussi tendre ce qu'on appelle vers le facteur 4, donc c'est divisé par 4 nos émissions de GES d'ici à 2050. Ce plan climat arrive à terme, en fin d'année là. On va relancer un deuxième plan climat qui va être dans le temps mieux adapté avec les communes membres d'agglomération parce qu'elles démarrent dans leur plan climat communaux, un plan climat qui va se prolonger jusqu'en 2020. Donc voilà, avec une partie, puisque la loi nous l'impose aussi, avec la loi transition énergétique qui vient de sortir là, avec une partie air renforcée, donc qualité de l'air renforcée. Ce ne sera plus des PCET, mais des PCAET. Voilà. Donc nous, comment on va répondre à cette promotion de la mobilité bas carbone ? Donc je vous disais, par des actions au niveau communal et intercommunal sur l'éco-conduite. On a déjà formé 120 agents, que ce soit de l'assainissement ou de l'environnement déchets, qui conduisent des poids lourds pour essayer d'avoir des pratiques un peu plus vertueuses de conduite. Il faut savoir qu'une belle ordure, ça consomme quand même 95 litres au 100 pour les plus anciennes. Donc c'est énorme et l'impact carbone là, va être bien évidemment important. On arrive à des réductions de consommation au niveau du carburant de l'ordre de 40% en formation. Donc c'est pas mal. Ce programme de formation éco-conduite va être poursuivi au niveau des communes membres de l'agglomération, des agents communaux. sur les véhicules légers. On va former 530 agents en tout d'ici à 3 ans. Voilà. Ça se traduit également par la révision du plan de déplacement urbain, qui a eu lieu il y a un an là. Donc tous les grands enjeux à l'horizon des 10 ans à venir concernant les déplacements et les transports urbains. C'était aussi développer la culture du vélo. Alors, bien évidemment, vous connaissez tous les vélos jaunes, les vélocities qu'on a sur l'agglomération. Bon, ça marche. Il y en a 1400 en service. Donc, c'est là aussi une action qu'on met en avant pour diminuer notre impact carbone. On l'a complété aussi depuis 4 ans avec une aide à l'achat pour les vélos à assistance électrique auprès des particuliers. Dans un premier temps, pour accompagner les travaux du tramway, pour faciliter un petit peu les déplacements. Et puis, comme ça a bien fonctionné, eh bien, on a poursuivi ça encore pour deux années consécutives. Donc, on a injecté quand même à peu près 105 000 euros d'aide pour les particuliers pour l'achat de ces vélos. Ça ne vous a pas échappé aussi la première ligne de tramway qui était mise en service il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est plutôt un succès, on peut le dire. On a encore battu des records de fréquentation récemment, la semaine dernière, je crois. Accompagné de cette ligne de bus, notamment avec du bus au niveau de service, au niveau de la partie sud de Tours via Chambray. Donc ça représente quand même 1400 stations de bus, de transport en commun. C'est aussi des actions sur le développement des plans de déplacement dans les communes, les entreprises. On a sur l'agglomération 22 plans de déplacement entreprises formalisés qui touchent à peu près 27 000 salariés. Donc voilà encore une action. C'était aussi le déploiement de Cities au niveau de l'autopartage. Alors j'ai vu la présence de Maxime Guénon qui représente Cities ce soir. Donc là c'est aussi une nouvelle forme aussi de déplacements qu'on peut avoir sur l'agglomération. 8 stations, 16 véhicules, dont 2 récemment au de Lyon, véhicules électriques. Donc ce qui permet aux particuliers qui ne sont pas possesseurs de véhicules, qui en ont besoin pour une courte durée, par un système d'abonnement, de prendre ces véhicules quand ils le veulent, et surtout ils payent le prix en fonction de leur consommation. Et puis, j'aborde le covoiturage enfin, c'était la création d'un nouveau site de covoiturage qui s'appelle covoiturantoine.com. Pourquoi ce site? Alors, j'ai bien noté, Laurent, tout à l'heure, tu dis que les politiques étaient à la remorque, donc je transmettrai. Pourquoi ce site? Parce qu'effectivement, il y a une demande. On a monté, nous, un premier site à l'agglomération en 2007. Ce site avait le mérite d'exister, mais peut-être que la promotion était vraiment flagrante. C'était aussi le début sur les prémices du covoiturage, en tout cas formalisé par un site internet. Il a été nécessaire, de par le marché, de le reconduire, notamment, et puis un peu de le développer. Le Conseil général, lui, de son côté, dans sa politique de déplacement, on avait l'intention aussi d'en monter un, et on s'était dit, ben voilà, on va faire 2 sites de covoiturage sur l'agglo et le département, mutualiser cette action-là, ça serait pas mal. Donc ce qui était fait l'an dernier, ça fait un an, quasiment jour pour jour, que covoiturantourette.com existe. Donc c'est une volonté politique de l'agglomération et du Conseil général pour promouvoir le covoiturage. Alors là, on est sur le covoiturage local, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que là, on va toucher des personnes, principalement du département. 90% des déplacements se font à l'intérieur du département. 70%, pardon, et 90% pour du déplacement domicile-travail. Donc on voit bien que là, on n'est pas sur le covoiturage style covoiture.fr, au Blablacar, etc., qui permet des voyages plus ponctuels. Mais là, on va toucher une population locale. On ne sera pas un site concurrentiel de ces déplacements longue distance. Néanmoins, on a la possibilité quand même de le faire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez proposer un trajet Tours-Lille, ça existe. Et voilà. Sauf que l'offre sera moins conséquente que sur les sites nationaux. On répond vraiment à une, offre, à une demande locale. Vous allez trouver aussi des trajets que vous ne trouverez pas sur les autres sites. Je prends par exemple un Rogny-Loche, vous n'allez pas le trouver, ou en tout cas difficilement sur covoiturage.fr, sur le Blacar. On va répondre aussi à du covoiturage événementiel. On va proposer aussi pour des grands événements type Terre du Son, type au quart de tour, Ferme Expo, etc., du covoiturage en provenance et à destination de ces événements. Voilà. Et puis du covoiturage de loisirs également. Je vais revenir un petit peu sur les motifs du covoiturage et pourquoi. En tout cas, comment je les analyse aussi localement. Il y a effectivement, tu en as parlé aussi tout à l'heure, l'aspect écologique, tu l'as évoqué avec l'aspect solidaire. C'est pas, je suis d'accord avec toi, c'est pas la première, le premier motif du covoiturage. Ça existe, mais c'est pas le premier motif. Effectivement, tu avais raison, l'aspect économique est le principal moteur pour le covoiturage. On l'a vu, alors pas récemment, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, c'est vous qui voyez là-dessus, sur la hausse du prix du carburant. Effectivement, là, on atteint des niveaux qui sont assez bas actuellement. Mais en tout cas, on voit quand même sur la pratique de covoiturage que la hausse des carburants a un impact certain dessus. Ce qui va jouer aussi, c'est tout ce qui est grève, de transport, mobilisation sociale, etc., où là, les particuliers vont avoir besoin de trouver une solution alternative quand il y a des embouteillages, etc., ou quand il n'y a plus de transport, et bien là, on va essayer de faire un effort en faveur du covoiturage. Et puis aussi, on a remarqué que il y avait un pic de fréquentation sur le site, en tout cas, lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. Notamment l'hiver, c'est plus rassurant de faire du covoiturage, de se retrouver à plusieurs dans une voiture quand les conditions climatiques, quand il y a du verglas, quand il y a un petit peu de neige, c'est plus rassurant de se retrouver à plusieurs à partager un trajet. Voilà, concrètement, donc effectivement, l'outil, enfin, le site covoiturantourenne.com. Pour moi, c'est avant tout un outil de mise en relation de personnes, c'est un outil d'aide, de mise en relation de personnes. Alors, c'est clair qu'on peut trouver des covoiturages comme ça, entre amis, etc., mais pour certains, c'est plus difficile. Et donc là, ce site va permettre cette première mise en relation, en tout cas, de gens entre eux. Concernant le covoiturage également, on a mis en place une dizaine, bientôt 12 aires de covoiturage sur le département. On voit qu'on a repéré avec le conseil général des endroits où les gens se stationnaient, laissaient leur voiture, prenaient d'autres personnes, etc. Et donc on a essayé de matérialiser un petit peu ces aires, de faire un minimum d'infrastructures sur ces endroits précis. On va ouvrir d'ici à la fin de l'année aussi les deux premières aires à l'intérieur de l'agglomération, une à Saint-Étienne-de-Chigny, sur les bords de la RD 952, et puis une autre à Notre-Dame-d'Oé au niveau d'Oésia, avec un report sur le bus et puis après le tramway. Donc il y a vraiment, je pense, un engouement, une nouvelle forme en tout cas de transport qui monte petit à petit. On le voit, il y a une prise de conscience collective en faveur du covoiturage ou en tout cas en faveur des bonnes de déplacement alternatif à la voiture, à la peinture individuelle. Voilà ce que je pouvais dire pour ma part sur le covoiturage local. Merci Stéphane. Donc juste quelques petits rappels avant de passer au débat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va passer sous forme de questions-réponses. Donc vous posez vos questions. Laurent ou Stéphane, ou les deux vous répondront, ça dépend, vous dites ce que vous avez à dire. On va vous demander de lever la main, je suis désolé, mais bon, je suis sûr que vous comprenez, histoire que ça ne devienne pas n'importe quoi et que la parole puisse être répartie au mieux entre vous tous. Voilà. Ah ben, je vais en profiter. Moi, j'avais une question sur ce qu'on va appeler la routinisation du covoiturage. En gros, est-ce que ça reste une pratique occasionnelle quand on a besoin, quand l'essence augmente, puis on fait du covoiturage une semaine et puis on revient à la voiture solo? Ou est-ce qu'on voit vraiment une prise d'habitude du covoiturage? Donc moi, j'ai travaillé sur deux terrains, qui était un terrain au nord de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, et dans un terrain à l'est d'Aix-en-Provence. Et en fait, on a vu les deux types de covoiturage. Sur le terrain grenoblois, mais c'était lié aussi à des effets d'enquête, on a plus vu des réseaux de covoiturage informels, mais très structurés, réunissant entre 30 et 40 covoitureurs, organisés en réseau, avec des militants pionniers qui avaient créé un site internet, une application interne auquel les gens pouvaient accéder, de donner leur offre de mobilité pour toute la semaine. Les gens s'inscrivent sur les offres de mobilité et là il y a des habitudes qui se prennent, il y a des espèces d'équipages qui se mettent en place, qui trouvent une régularité et une structure qui est en partie routinisée autour de lieux de départ, de lieux de ramassage, d'itinéraires partagés, de lieux de dépose, avec des gens qui s'interconnaissent, qui ont des vraies relations aussi d'intimité dans la voiture, qui va parfois assez loin, parce que quand on partage au quotidien, en tout cas, quand on partage au quotidien 40 minutes à l'aller et 40 minutes au retour sur des routes de montagne, effectivement, on parle de choses et d'autres, et on parle aussi des affaires privées, et donc on est dans quelque chose qui devient routinier. L'autre terrain, c'était un terrain aixois, et c'était l'entrée d'enquête, c'était plus par les utilisateurs de BlaBlaCar. Donc on est plus tombé sur effectivement une modalité qui est celle pour les conducteurs de gens qui déposent des annonces sur BlaBlaCar ou sur d'autres sites pour prendre des équipiers dans une logique soit solidariste, soit effectivement de rentabilité économique, et qui prennent en charge des passagers ou des équipiers qui sont plutôt dans une demande ponctuelle, c'est-à-dire qui sont des gens font ponctuellement besoin du recours au covoiturage, une panne de voiture, ou l'étudiant, mais l'étudiant qui va varier de type de covoitureur, qui va choisir tantôt cette annonce, tantôt celle-ci, alors qu'il va peut-être reproduire plusieurs fois avec une, mais parfois ça se transforme, et dans ce cas-là, ça sort du site, c'est-à-dire que quand il y a des équipages qui se forment par BlaBlaCar ou par un site local, effectivement, on peut tomber dans une forme de routinisation, mais dans ce cas-là, qui sort de la logique. Sinon, on reste dans une forme qui est contractuelle, qui est ponctuelle, qui est plutôt dans une logique utilitaire et dans une logique de dépannage. Donc, on n'est pas dans une logique de routine. Et d'ailleurs, les conducteurs qui pratiquent beaucoup par les sites et qui prennent beaucoup d'équipiers différents, eh ben, ils sont dans une adaptation, c'est ce que je voulais dire quand je parle, quotidienne finalement de leurs itinéraires. Et ils doivent en temps réel, dans l'appel, dire est-ce que c'est jouable pour moi? Est-ce que j'y trouve mon intérêt? Est-ce que ça me fait un trop long détour? Quelle contrainte temporelle ça m'impose? Est-ce que je dis oui et je dis non? Je sens que c'est pour dépanner un gars qui en a besoin, je vais le faire. Bon, donc tout ça rentre en ligne de compte, mais on est moins effectivement dans la routine. On est plus d'une certaine manière dans un modèle de prestation de service, alors que dans le covoiturage informel tel qu'on l'a identifié à Grenoble, on est plutôt dans un modèle participatif, collaboratif et solidariste. Quoi. Enfin, bon, je caricature un peu, mais on est plutôt dans ces deux figures-là. Je crois qu'on a vraiment deux modes de covoiturage qui sont un peu sont différents. Le covoiturage ponctuel, quand on met un point A vers un point B sur une longue distance, et là on va faire appel à un site, à essayer de trouver un maximum de personnes pour rentabiliser ce voyage. Quand on voit un tour Paris en TGV aller-retour, c'est 120-130 euros au tarif plein, effectivement là il y a l'aspect économique qui entre en cause. Et du coup, là, on va vraiment chercher la rentabilité du voyage, à la fois pour le conducteur, mais aussi à la fois pour le passager. Là, sur le covoiturage local, effectivement, ça va être plutôt un outil de mise en relation, mais après, les gens vont se passer très facilement du site, puisque on le voit, c'est pour du déplacement quand même domicile-travail. Une fois qu'ils ont trouvé leur. Pas leur âme-sœur, mais en tout cas leur covoitureur-sœur. En tout cas, là, on peut passer du site, et là, il n'y a plus cette notion d'argent qui rentre en compte, puisqu'on voit, c'est plus une notion d'échange. Ça va être, une fois que la relation est établie et que les covoitureurs, passagers, conducteurs s'entendent bien, on voit qu'il y a une permutation, une semaine sur l'autre, un jour sur l'autre, on va alterner entre conducteur et passager, et là, c'est comme ça qu'on va favoriser. Ce covoiturage de domicile-travail. Voilà. Merci. Dans la salle, Stéphanie. Oui, moi j'ai une question par rapport à un groupe de personnes qui ont jamais été nommées et qui, je pense, en fait, on ne pense pas qu'une covoiture, mais on nous semble que justement, s'il y a du covoiturage, ce sont les enfants. En fait, j'ai pensé quand vous avez dit au début qu'en fait le covoiturage existait déjà bien avant, qu'il n'était pas nommé et qu'il n'était pas forcément organisé. Bon, il n'y avait pas de site internet, forcément pas sur les sites internet. Mais il me semble que les parents s'organisent beaucoup entre eux pour faire covoiturer leurs enfants, soit travailler à l'école, soit travailler à des activités. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas évoqué et peut-être que c'est. Quelque chose qui pourrait aussi, du côté des institutions, être soutenu. Et peut-être encore plus encouragé. Non, mais effectivement, c'est ça. Alors, ça existe. On connaît Carapate, on connaît Pédibus, etc. Donc, le covoiturage. Les déplacements vers l'école à pied. Mais effectivement, ça prend forme aussi, alors localement, au niveau d'Aglo, au niveau des écoles. On le voit déjà de façon informelle, parce que les parents, effectivement, vous l'avez souligné, se regroupent entre eux pour essayer de prendre les petits bambins et les déposer une fois l'autre. Voilà. Et puis aussi les établissements eux-mêmes qui sont demandeurs. Je pense notamment au collège Jules Romain à Saint-Avertin, je pense à Marmoutier aussi, où là il y a une réelle demande parce que au niveau des transports en commun, ça coûte cher, des lignes de ramassage sont supprimées quelquefois, ou alors pour Marmoutier c'est un petit peu excentré et plus compliqué. Donc effectivement, là on organise du covoiturage formalisé sur le site. On a un espace partenaire. Alors ça vaut pour les entreprises, mais ça vaut aussi pour les associations et notamment aussi pour les écoles, collèges, etc. Moi j'en ai pas parlé parce que je ne pouvais pas tout évoquer, mais vous avez vraiment raison, c'est quelque chose de très important. Dans le Père Urbain, il y a une figure qu'on appelle soit la figure de la maman taxi dans des couples classique, soit la figure des parents taxis quand on est dans un modèle de couple un peu plus tendance, qui en gros renvoie à l'idée que, effectivement, dans un contexte peu dense, le mercredi, si vous voulez, ou samedi ou dimanche, ou le soir, quoi, si vous voulez permettre à vos enfants de faire un certain nombre d'activités, vous êtes quand même astreint à des contrats d'accompagnement qui sont assez lourdes, d'accompagnement en automobile. Et on sait très bien qu'il y a eu d'ailleurs une étudiante en maîtrise il y a 2 ans qui a fait un travail sous ma direction sur Saint-Brand en Montland, qu'il y a des pratiques d'accompagnement qui utilisent beaucoup le covoiturage, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité collective entre parents qui est très forte, hein, pour la, et qui se fait très spontanément, assez naturellement, avec une espèce de confiance qui est liée au fait que les enfants sont reliés par l'école, par les activités, par le fait aussi qu'on habite les uns à côté des autres. Et du coup, j'emmène ton gamin, tu le ramènes, ou une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre, etc. Donc on a des formes d'arrangement, mais qui existent depuis très longtemps, et qui sont sans doute assez stables en fait. Celle-ci, c'est peut-être pas celle-ci qui se développe le plus, sauf à faire l'hypothèse, ce qui peut être assez assuré, que les enfants ont plus d'activités, et que la question de l'accès aux activités est une question qui a un ressort et un vecteur de mobilité, mais donc effectivement, ça c'est une forme en tant que telle de covoiturage, qui est effectivement assez différente du covoiturage pour le travail ou pour des activités récréatives, hein, parce qu'on oublie aussi que les pratiques récréatives, et ça c'est aussi une pratique ancienne, les gens qui pratiquent les mêmes activités ont des habitudes de covoiturage pour le foot, pour le tennis, pour le badminton, quoi. Voilà, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est de voir, pour en avoir fait l'expérience récemment, c'est que le dimanche matin, par exemple, qui est un temps fort associatif et sportif, les parkings de covoiturage aménagés sont à moitié pleins. Donc, ils sont à mon avis utilisés par ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, ce qui est moins le cas le dimanche après-midi. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a un usage récréatif, hein, de ces aires pour du covoiturage de loisirs. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est pour prendre à Grenoble, on est tombé quand même sur plusieurs ménages périurbains qui effectivement, disent, comprenez, moi j'habite, alors en plus à Grenoble c'est un peu la classe, ou à Aix-en-Provence c'est aussi la classe, parce que c'est au pied de la Sainte-Victoire, donc évidemment ça joue, c'est quand même du périurbain patrimonial à fort capital paysager. Donc les gens disent, on va quand même pas quitter ce cadre de vie idyllique pour des questions d'écologie. Alors effectivement, il y a la MAP, on a des coopératives écolo, mais il faut qu'on s'organise, il faut qu'on tienne, et puis comprenez quand même, on covoiture la semaine, mais ça nous permet quand même d'être un peu déculpabilisés quand on va faire du ski de rando le week-end, où là, effectivement, bah, on prend tous nos bagnoles parce que c'est le week-end. Donc, il y a parfois cet effet de compensation, voilà, une logique compensatoire qui existe entre la bonne pratique qu'on mène au quotidien, qui permet aussi, de temps en temps, de prendre la voiture en solo ou de se faire un petit coup d'avion, parce que c'est quand même pas mal à l'autre bout de la planète, on va comment dire, les gens tout le temps. Merci. On va essayer de faire des réponses courtes, comme ça on va pouvoir passer plus de questions. D'accord. S'il y a plus de questions, je ne sais pas. Benoît. Je suis toujours pas rentré à mon idée. Et là, en fait, vous commencez à parler des covoiturages de nombre que fait plus longtemps, avec les enfants, avec l'association sportive, etc. Je comprends pas trop, c'est des choses avec de l'argent, quoi. Des parents qui s'entraident, la solidarité, etc. A priori, enfin, c'est parce que ça s'entraîne avec l'univers de la guerre. Dans notre définition au départ, c'était l'idée que le covoiturage, c'est à partir d'un moment aussi on instaure ce rapport économique, et c'est quand même aussi, à que je sais que le covoiturage peut poser d'autres questions, économiques, politiques, etc. Enfin, je ne sais pas si on y viendra, mais je ne sais pas, là, on est en train d'arriver vers quelque chose qui est le plus producteur du covoiturage que vous voulez définir. Et pardon, juste les aires de covoiturage, du coup, qui sont à moitié pleines le dimanche matin, les gens qui y sont, c'est des gens qui se donnent de l'argent. Il y a aussi des gens qui utilisent les aires de covoiturage et qui sont juste là par solidarité. Alors, je crois que d'ailleurs, pour ce qui est de la pratique sportive ou associative, comme pour le covoiturage quotidien, on a plusieurs modèles d'arrangement entre les covoitureurs, c'est-à-dire que les deux modèles, c'est le don contre don. Il y a toujours la question de l'équilibre, c'est-à-dire faut qu'il y ait d'une certaine manière un équilibre. Et quand il n'y a pas d'équilibre, d'ailleurs, ça pose problème. C'est-à-dire, c'est arrivé, c'est bien analysé par Stéphanie Vincent, des équipages où le conducteur dit, je suis bon prince, je t'emmène, de toute façon, ma voiture, je la paye. Et en fait, la personne qui est passagère, elle se sent redevable. Elle se sent redevable, et donc symboliquement elle offre un cadeau à Noël, mais elle se sent finalement dans une espèce de culpabilité. Donc effectivement, l'école, pour éviter ce déséquilibre qui est quand même, fragilise la relation de covoiturage, il y a deux solutions, c'est soit le don contre don, soit la rétribution financière. Donc c'est l'un ou l'autre. Et alors dans le covoiturage tout tel que je l'ai décrit par les sites locaux ou nationaux, c'est plutôt de la rétribution financière qui est très codifiée, qui pour les sites nationaux comme Blablacar, on paye le site. Le site prend des... C'est l'ordre de 6 à 20% quand même de commission par le site prend des frais de commission, etc. Donc là, il y a effectivement une rétribution, tout est très clair. Dans le système de covoiturage informel, eh bien, c'est souvent effectivement soit des arrangements de don contre don, une semaine ta voiture, une semaine l'autre, ou alors on fait tant parce que moi j'ai peu de voiture, toi tu en as une, et des espèces d'équipes. Donc je crois qu'il n'y a pas de règle. Après, quantitativement, ce que représente l'un des modèles ou l'autre, on n'a pas d'études assez précises pour le dire. Mais en tout cas, c'est toujours une question centrale, puisqu'il y a bien mutualisation, donc il y a forcément partage, donc il y a la question de l'équilibre qui est en jeu. En tout cas, le fait que les choses soient claires, c'est une condition de la pérennité de l'équipage, ça a été vraiment bien montré. Je crois que là, les sites locaux comme celui-ci-là, on est vraiment entre les deux, entre le don et puis la rétribution financière. Sur les sites nationaux, on l'a dit là, les sites se prennent, c'est devenu une manne aussi pour les grands sites, hein, ça c'est clair, hein, se prennent des commissions entre 6 et 20% en fonction des trajets, donc ça c'est quand même des sommes assez énormes. Là, pour le coup, les sites locaux, c'est, en tout cas celui-ci, c'est entièrement gratuit. C'est-à-dire que vous vous arrangez avec le conducteur, vous arrangez entre conducteur et passager, il n'y a pas de... La garantie, elle est la même aussi. Hein. Voilà, vous allez payer. Ou là, vous allez vous arranger aussi. J'insiste, c'est un outil de mise en relation entre personnes. Donc, on peut totalement faire abstraction de cet aspect financier si le covoiturage vous convient, si vous trouvez la personne qui vous convient pour du déplacement domicile-travail, parce que c'est quand même le cas sur ce site-là. Là, du coup, l'aspect financier est complètement occulté et là, on va plus être dans un échange de pratiques. Hein. Si tu peux rajouter quelque chose, du coup, pour répondre, quand tu parles de covoiturage avec les enfants, etc., tu es aussi dans la logique de don contre don, oui, parce que c'est un parent qui fait l'aller et l'autre qui fait le retour. Et le problème de la redevabilité, c'est un vrai frein en fait au covoiturage, parce que moi j'ai des gens qui m'ont dit non, moi j'ose pas demander aux autres parce que après je me sentirais redevable et je me sentirais pas bien, donc je préfère me débrouiller toute seule. Donc effectivement, le don, l'argent, c'est un vrai truc dans le covoiturage en tout cas. Enfin. Oui, moi je voulais aborder un problème un peu différent qui est l'interférence et interaction, concurrence, complémentarité avec le transport collectif classique, qu'il soit par bus ou par chemin de fer. J'appartiens à la FNOT et on a étudié récemment, avec l'aide d'un bureau d'études, quels étaient ces aspects, bon, un peu triviaux, hein, moment bien sûr, mais qui comptent quand même, quels étaient les éléments qui pouvaient expliquer cette véritable explosion, il faut bien reconnaître, hein, quand on regarde les chiffres du covoiturage. Donc, un bureau d'études spécialisé a fait une analyse avec des enquêtes à des jours précis, et il est évident qu'un des premiers éléments, c'était le prix. Ils ont fait une enquête un vendredi de novembre, donc 2013, sur un Paris-Lyon. Le prix demandé moyen par des covoitureurs, c'était 27 euros. Le TGV le moins cher, c'était un Prums, c'était 38. Si on prenait le bus Eurolines, qui est le bus longue distance, qui est bas prix, si vous voulez, c'était entre 19 et 42. Donc là, on était bien dans la fourchette du covoitureur. Et si on prenait l'IDBus, qui est les bus grande ligne de la SNCF, qui cassent les prix, on était entre 29 et 39. Donc ça montre bien que le prix est quand même un élément très très important. Le second, c'était celui du départ au dernier moment, sans anticiper son voyage, hein, sans avoir à subir les prix de dernière minute de la SNCF. Et donc là, c'était important. Et le troisième élément, c'était ce que montrait l'enquête, la possibilité du porte-à-porte. Hein. beaucoup de chauffeurs covoitureurs acceptent de faire un détour pour déposer la personne au plus près de l'endroit où elle veut aller. Donc ça, c'était tout à fait évident. Quelque chose que l'enquête mettait aussi en relief, c'est que les grèves de la SNCF ont fait beaucoup pour développer le covoiturage. Ils ont fait connaître à des gens une autre façon de voyager. Et alors une partie de ces gens, après, c'est assez intéressant, ont basculé vers les bus grandes lignes. Il y a eu trois étapes. Ils prenaient le train, ils ont pris le covoiturage, et ensuite ils ont découvert que s'ils faisaient des déplacements assez réguliers pour rentrer dans leur famille, par exemple, que le bus grandes lignes à bas prix, aujourd'hui, ça pouvait être aussi une solution. Donc, finalement, si la SNCF cédait sur deux points les tarifs qu'elle exerce et surtout la réservation obligatoire qu'elle impose, aussi bien sur les TGV que sur les intercités, il y a de fortes chances à penser qu'elle reprendrait du trafic des voyageurs à un mode de déplacement qui est aujourd'hui un véritable concurrent, hein, qu'on avait envisagé comme un complément au départ, mais qui est un véritable concurrent. Bon, on en a deux exemples. En Espagne, la RENFE, la compagnie espagnole, elle a baissé très fortement ses prix sur les ICE, les TGV espagnols, et elle a vu sa fréquentation fortement augmenter sans que son compte d'exploitation s'en touche. Et puis enfin, je termine, le deuxième exemple, c'est la région Languedoc-Roussillon, qui sur 5 lignes de TER fait du déplacement à 1 euro et qui a vu subitement ses passagers passer de 200 000 à 600 000. Donc ça montre bien que là il y a quelque chose à faire et que ça pourrait quand même peut-être inspirer d'autres politiques à nos grands transporteurs. Je sais pas si ça appelle de réponse. Moi, je trouve ça très, très intéressant, ton témoignage. Je trouve que c'est sans doute un mérite du covoiturage longue distance de rentrer dans une logique de concurrence et effectivement d'amener peut-être la SNCF comme opérateur à revoir des prix qui sont quand même des prix pour ce qui est du voyage LGV, des prix quand même relativement onéreux. Ce qui me semble très intéressant dans le covoiturage, c'est que c'est quand même... rend possible de la mobilité longue distance pour des prix accessibles à des catégories qui, sans ça, ne pourraient peut-être pas accéder ou seraient plus entravées dans leur mobilité. Donc, en ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait positif. Et même si, effectivement, la SNCF récupérait des parts de marché, ça ne serait pas un problème. Après, je me demande quand même... Mais je connais mal, je n'ai pas enquêté sur le covoiturage à longue distance, mais des témoignages, j'en ai par effectivement des gens qui pratiquent, c'est que il y a la dimension sociabilité, convivialité, rencontre, qui est quand même une réelle plus-value, alors qui n'est pas recherchée par tout le monde, hein, mais quand même qui est une réelle plus-value du covoiturage. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un trait de fond culturel, en tout cas une espèce d'élan culturel, vers le retour d'une certaine... partage de la mobilité en tant qu'événement qui permet de rencontrer des gens, de discuter. Et ça, c'est quand même dans un contexte où, en géographie urbaine, en sociologie urbaine, on nous parle de fragmentation, de segmentation, de contrôle d'entre-soi, etc. C'est quand même une bonne nouvelle, quoi. Enfin, en tout cas, ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans l'endogamie, c'est-à-dire que au moment où j'étais en train de préparer mon intervention dans mon bureau, j'avais mon collègue qui effectivement était en regardé, prospecté pour un tour Bordeaux sur le covoiturage. Donc on rigolait, c'était presque un jeu. Il me montrait, il arrivait avec son portable en montrant Cindy, 46 ans, expert. Mais quel... On ne peut pas savoir qui c'est derrière. Non, on peut se faire une idée. Non, mais c'était... Non, mais il y avait aussi Jean-Jacques. C'est vrai que les sites de covoiturage qui se mettent à jour, ça devient vraiment des forums. C'est-à-dire qu'on peut noter les personnes, on voit leurs photos, on voit leurs habitudes, on sait s'ils écoutent de la musique, s'ils parlent beaucoup, ça devient vraiment... Oui, et moi, dans deux entretiens sur, et pourtant on n'a pas fait 10 000, la drague n'est pas... explicite, mais elle est aussi en filigrane, c'est-à-dire, dire ça, c'est pas honteux, quoi, c'est pas répugnant, c'est dire qu'effectivement, Non, mais il ne s'agit pas de dire que tous les gens. C'est-à-dire, je suis pour la paix. Ne faites pas dire. Voilà. Ça doit exister, mais ça doit exister, oui, certes. Mais il y a aussi un aspect peut-être rassurant aussi de croire qu'on connaît peut-être un petit peu la personne. On connaît peut-être un petit bout de la personne avec qui on va partager un trajet. Je pense notamment aux femmes qui préfèrent peut-être aussi être rassurées, covoiturées plutôt entre elles qu'avec avec des hommes. Ça se voit aussi hein, dans les pratiques. Hein. Donc il y a de ça aussi. Et pour en revenir à votre intervention, Jean-François, c'est que effectivement, on va avoir de la concurrence au niveau national, peut-être moins au niveau local. En tout cas, nous, on l'a voulu. On a voulu le covoiturage comme une offre de mobilité complémentaire à d'autres offres. C'est-à-dire qu'on a voulu offrir aux habitants de l'agglo la possibilité de piocher à tel et tel endroit. Un coup un tramway, un coup du train, un coup du covoiturage, un coup de l'autopartage, un coup du vélo, un coup de la marche à pied. Voilà, que tous les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle soient accessibles. On l'a voulu comme ça en tout cas. Et là, effectivement, on est moins concurrentiel que sur les trajets longue distance. Mais effectivement, là, l'aspect économique sur les trajets longue distance, là, il est vraiment flagrant. D'ailleurs, quand je prenais l'exemple d'un TGV Tour Paris à 120-130 euros tarif plein, effectivement, en covoiturage, vous allez faire l'aller-retour pour 15 euros aller, 15 euros retour, 30 euros. Donc on va diviser par 4 le coût quand même du tarif du déplacement. Voilà, avec la possibilité de drague en plus, donc c'est plutôt intéressant. Dans le train, on peut le faire aussi. Ce qui est marrant, c'est que la sociabilité que Laurent a évoquée, elle existait dans le compartiment de chemin de fer de mon grand-parent. Les gens se causaient, ils échangeaient. On a inventé la voiture coach et plus personne ne se parle. Alors, en fait, sur le covoiturage local, enfin sur le covoiturage périurbain et le TER, ce qu'on appelle, enfin, les rames TER périurbaines, c'est moins clair que ça. C'est-à-dire que dans les rames périurbaines où on a enquêté, il y a quand même des sociabilités qui existent. Mais c'est vrai que la règle, c'est plutôt la bulle. Hein, les objets, on met sa sacoche à côté pour être tout seul, on met le casque, etc. Mais il y a quand même aussi des habitudes de routine et tout qui fait que les gens se connaissent et ont des temps quand même d'ouverture à l'altérité. Il y a même des gens qui ont vraiment, qui occupent cet espace-temps. Là, on a des beaux entretiens là, dans un autre programme qui s'appelle Mode Alter sur des filles qui montent à Vite Perdu, qui travaillent à Tours, qui sont à Tsem. Et vraiment, d'ailleurs, elles se font engueuler par les cadres qui veulent bosser parce qu'elles rigolent, elles font des jeux, voilà, c'est un temps. Et c'est aussi possible d'occuper le temps de déplacement. Et sur l'articulation avec le covoiturage, par contre, au niveau local, ça peut jouer en concurrence. C'est-à-dire que là, on a des entretiens où, effectivement, il y a des gens qui ont covoituré et qui ont basculé sur le train. Mais il y a aussi des articulations au sens où il y a du covoiturage vers les gares. C'est-à-dire. Alors moins fréquent ici à Grenoble, c'est assez clair, c'est-à-dire il y a une espèce de continuité. Et par contre, alors là, les grèves à tous les coups, c'est un facteur qui rend possible du covoiturage et parfois qui débouche sur la grève. Mais ça a été montré pendant Juppé a beaucoup en 95, beaucoup contribué à développer le covoiturage en Île-de-France en réformant les retraites, ce qui est quand même un peu indirect. Et on voit aussi que c'est évolué aussi énormément, c'est-à-dire que, là on n'a pas parlé aussi du covoiturage dynamique, c'est-à-dire que voilà, on se retrouve en sortie de gare, on ouvre son smartphone, et puis on voit de manière en temps réel qui covoiture à côté et qui peut vous prendre. Là c'est aussi un phénomène aussi, nouvelle technologie, et qui va modifier un peu les comportements aussi au niveau des déplacements et du covoiturage. Là, pour le coup, on a une information en temps réel, quasiment, de ceux qui peuvent vous proposer un trajet. Donc là, effectivement, c'est évolué aussi beaucoup, et vite. Je peux rebondir là-dessus tout de suite. Le covoiturage dynamique, alors, enfin, nous, on a juste un exemple en Isère. En Isère, ils sont assez pionniers, comme toujours. Et ils ont mis en place le CG de l'Isère il y a 2 ou 3 ans. Ils ont payé à 2000 personnes des smartphones, ils ont organisé du covoiturage dynamique. En fait, les résultats, c'est comme ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et notamment, il y a deux hypothèses, c'est-à-dire que il faudrait vraiment avoir une grosse masse critique déjà pour capter des flux et sécuriser des chaînes de transport par le covoiturage dynamique. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que là, on tombe plus dans un registre qui est celui finalement du stop où tu sais quand même pas trop avec qui tu tombes. Quoi. C'est-à-dire. Donc, et pour le coup, sur Aix, c'était assez clair qu'il y a des gens qui disaient qu'en passant par des notamment des femmes, hein, par les sites de covoiturage, ça inspirait une certaine confiance, qui était relative à mon avis, concrètement, et qui disaient par contre, je ne prends aucun stopper. Quoi. C'est-à-dire, il y a autour du stop maintenant, enfin, ça a été beaucoup stigmatisé par les médias, diabolisé, etc., une espèce de peur. Là. Oui. C'est juste pour dire sur le covoiturage dynamique, le fait de faire du covoiturage avec un téléphone à la main tout en conduisant un véhicule, c'est vraiment pas génial. Donc, Ah, mais il y a des petites mains. Oui, monsieur. Oui, une petite question. Donc ce sont effectivement des. Je comprends, pour un géographe, c'est assez particulier à étudier parce que c'est des choses extrêmement fluctuantes, mouvantes, conjoncturelles, on voit bien, sauf ceux qui sont vraiment idéologiquement convaincus. Moi, je me posais la question de ceux aussi, peut-être qu'on ne voit pas dans ce que tu as dit, les gens qui sortent aussi du système pour différentes raisons. Il y a qu'ils abandonnent, ils étaient dedans. Est-ce que tu as des cas donc, de gens qui disent très clairement, j'ai pratiqué le covoiturage, et puis j'en sors, je ne le fais plus parce que. Est-ce que ça existe, d'une part, et d'autre part, quelles sont les raisons qui sont données? C'est toujours intéressant, c'est de voir les freins à une pratique. Oui, tout à fait. Alors... Premier élément, la relation avec la personne, quoi. Dans le temps, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme une relation de vieux couple, à un moment donné, ça... Donc j'ai très clairement un ou deux entretiens où les personnes vraiment disent, moi j'ai arrêté parce que bon voilà, on n'avait quand même pas beaucoup d'affinités, et c'est, du coup c'était pesant, quoi, parce que quand c'est quotidien, c'est quand même assez engageant. Je pense que en dehors de ça, la difficulté, c'est l'horaire, quoi. C'est la capacité à adapter des horaires. Et le covoiturage marche bien avec des gens qui ont des horaires réguliers. Et d'ailleurs, sur Covoiturons, l'autre jour, j'y suis allé, j'ai passé un certain temps à regarder, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des horaires 8h, 17h, 8h, ou 7h, des horaires très fixes toute la semaine, c'est-à-dire qu'il y a très peu de variations. Mais dès que vous avez des gens qui s'appaquent, les gens peuvent être contraints dans leur travail et ou contraints dans leur vie familiale. Donc tout ça, c'est des éléments. C'est plus difficile, par exemple, pour des pères ou mères de famille de mettre en place du covoiturage que pour des gens qui ont des grands enfants qui sont autonomes dans la mobilité. C'est plus difficile pour un cadre supérieur qui ne sait pas à quelle heure il va terminer. Ou alors après il faut que ce soit des réseaux un peu endogames, c'est-à-dire que dans un des réseaux on a quand même pas mal de représentants de gens du supérieur travaillent dans la même université où là la flexibilité de nos horaires joue pas contre mais pour, c'est-à-dire donc effectivement il y a des freins objectifs qui relèvent des horaires et qui relèvent effectivement aussi de la capacité à accepter dans le temps des relations qui peuvent être un peu pesantes. C'est vrai que ça peut être c'est un frein aussi. Il faut, quand on fait du covoiturage, il faut avoir un minimum de flexibilité aussi, c'est-à-dire accepter de perdre 5-10 minutes, voire un quart d'heure en fonction des trajets, parce qu'on va avoir un peu de retard, parce que voilà. Sur du local, ça se fait très bien, ça c'est complètement acceptable. Effectivement, on a aussi un phénomène de cabotage qui se fait plus au niveau local que sur des grands trajets. Maintenant, ce qu'on veut sur des grands trajets, c'est de la rentabilité. C'est-à-dire que on dépose plus les gens en plein centre-ville, puisque ça fait un détour, on perd un quart d'heure pour rentrer dans le centre-ville, on en perd un autre pour ressortir. Alors, à la limite, on dépose les gens sur le bord de l'autoroute quasiment, j'exagère, mais en tout cas, voilà. Et donc, les gens se trouvent aussi un petit peu démunis. Il y a ce phénomène-là aussi maintenant qui entre en jeu, c'est qu'on ne peut absolument pas perdre de temps, on peut gagner de l'argent en même temps, on peut faire l'effort de perdre un quart d'heure à rentrer ou sortir d'une ville. Donc, il y a aussi ce double phénomène, cet aspect un peu tranchant que c'est pas forcément parfait non plus. entreprise il n'y a pas longtemps, j'allais à Budapest et j'ai mis une annonce sur Blablacar sans trop y croire. Et la voiture était blindée, pas vraiment. Il y a eu rapidement plusieurs personnes qui étaient intéressées pour faire des vidéos pour ce trajet, voire des filles qui déménageaient vraiment pour une année complète à Liège et qui avaient plein de gros sacs. Et je ne pensais pas que les trajets très longs de ce type-là pouvaient se prêter aux voitures affichées. Première observation, puis question pour savoir s'il y a des études là-dessus, par rapport notamment à la concurrence avec Eurolines ou le train et l'avion. Et deuxième chose, est-ce que la langue par le transport des personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi le développement des trafics, le transport de colis, de marchandises, comme ça se fait notamment, je sais qu'il y a des fourgons qui viennent d'Ukraine, de Pologne et qui viennent à Paris pour livrer des gens de la diaspora. Je sais qu'il y a des pratiques aussi de chauffeurs de bus Rolex pour livrer des colis d'une capitale à une autre. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des sites comme ça où des personnes remplaceraient les OTS, etc., pour livrer des colis par des hébergements mutualisés avec des gens qui font un coffre aussi. Je ne répondrai pas sur le premier témoignage parce que Budapest, covoiturentouraine.com, je ne pense pas que ça marche. Par contre, effectivement, sur la deuxième remarque, on voit de plus en plus de personnes qui souhaitent non plus voyager, mais transporter des colis. Transporter des animaux aussi, ça se fait, notamment pour les expositions, etc. Voilà. C'est aussi un phénomène qui est assez nouveau aussi et pour lequel là on devient un petit peu concurrentiel des grands transporteurs. Voilà. Après, quid du colis, hein, qu'est-ce qui est dedans, etc. Voilà un petit peu le frein et la limite, je pense, à l'exercice. Après. Il y a déjà un site internet en fait, qui existe pour le transport de colis, sur exactement le même principe que Blablacar, je ne me rappelle plus le nom, mais effectivement, en fait, je disais qu'il existe déjà un site sur le même principe que Blablacar pour le transport des colis, qui est forcément vachement intéressant au niveau financier. Et en fait, le seul frein effectivement qu'il mettait en avant, c'est on ne sait pas ce qu'il y a dans le colis, si ça se trouve, c'est le truc absolument pas légaux, et si on chope avec ce colis dans la voiture, on est quand même responsable. Donc c'était le seul frein, mais ça marche comme Blablacar, avec on note en fait et la personne qui te fait livrer le colis et la personne qui transporte le colis, et le transporteur, ouais. Bon, après, je ne sais pas si ça marche bien, etc., je sais juste que ça existe. Oui, moi, j'ai pas de réponse, mais sauf que d'un point de vue général, tout ça pose la question, effectivement, de la concurrence avec des opérateurs privés, quoi. Et je pense, par exemple, en zone urbaine, ce que tu avais développé, là, sur le retour de l'autostop organisé, mais cette fois-ci, où par exemple, les gens adhèrent à une charte d'autostop organisée, ont un petit fanon, les automobilistes ont un petit macaron, évidemment, ça, c'est un truc extra-imaginé à l'échelle d'une ville où il y a des automobilistes avec des macarons, des piétons avec des fanions, et puis une capacité comme ça de faire du stop facilement pour dire vous pouvez m'emmener ce serait excellemment participatif, gratuit, etc. Mais ça rentre en plein dans la concurrence alors avec les transports, les opérateurs de colis, surtout les taxis, quoi. Et alors du coup on imagine d'ailleurs si c'était le cas pareil il n'y a pas très longtemps, même si je n'ai pas trop suivi dans le détail le dossier, mais il y a des logiques professionnelles de défense de corps, de défense de métier, de défense de statut, de défense qui effectivement sont des freins, et là j'imagine que sur le transport de marchandises, si c'était amené à se développer, il y aurait des tensions assez importantes, puisque c'est quand même des marchés. Et même le covoiturage, c'est pas étudié, puis moi c'est pas mon entrée, mais on voit très bien que quand Stéphanie Vincent a fait sa thèse, on était encore dans une logique où on commençait à avoir des opérateurs privés, mais qui étaient issus du monde associatif, militant, etc. Maintenant, on sent, et c'est ce que tu racontais un petit peu sur Evolutis, là, qu'il y a une logique de marché, de développement capitalistique, d'organisateurs, d'opérateurs privés, de covoiturage, qui fusionnent, qui rachètent des sites, etc. Parce qu'il y a des. Donc il y a aussi cette tendance-là qui est amenée à se développer. Il y avait au fond, à côté de Ludo. Oui. Oui, juste pour dire, aujourd'hui en France, pratiquement tous les systèmes de covoiturage, il faut avoir un accès à Internet. Donc savoir utiliser Internet, savoir lire. Est-ce que vous avez connaissance, enfin, moi j'ai connaissance d'un système qui est dans la région du village, par la Saint-Étienne, où effectivement ils ont mis quand même un système de relais téléphonique. Alors c'est la campagne, vous connaissez, enfin, voilà, mais est-ce que vous avez connaissance d'un autre système où ça ne passe pas, on n'est pas obligé de passer par ça. Nous, on peut, sur le site local, il y a un numéro d'appel, on peut éventuellement se renseigner et que quelqu'un vous mette en relation avec une autre personne. Voilà, ça c'est local. Après, sur les grands sites, je n'en sais rien, je ne pense pas, c'est un peu plus compliqué. Sachant qu'effectivement, c'est aussi un frein. L'Internet, tout le monde, encore, je suis désolé de le dire, mais tout le monde n'a pas Internet. Des fois, j'anime des ateliers avec des demandeurs d'emploi. Je fais un petit sondage déjà d'entrée, savoir qui est une voiture. Alors, la dernière fois, c'était sur 40 personnes. J'avais à peine 5 personnes qui avaient une voiture. Voilà. Et après, il faut leur proposer des modes de transport. Et là, ils n'ont pas connaissance. Ou alors, ils connaissent la ligne de bus qu'ils prennent habituellement, la ligne de tram, toujours les mêmes arrêts, etc. C'est vraiment une difficulté pour eux d'aller au-delà de leurs connaissances primaires, j'allais dire. Voilà. Ils ne savent pas que Cities existe, le covoiturage, ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, etc. Ils n'ont pas d'accès à Internet. Voilà. D'où l'importance aussi des espaces publics numériques qui sont mis à disposition pour que ces gens-là puissent avoir le même accès aux informations. Maintenant, quand on fait un horaire de bus, au tramway, il faut se connecter sur filbleu.fr et puis voilà, on trouve la solution. Mais encore une fois, encore faut-il avoir un ordinateur et un accès Internet. Voilà, effectivement, là, pour ces catégories de personnes-là, effectivement, là, c'est un frein. Et j'ai conscience que maintenant, tout passe par des sites et que c'est une difficulté supplémentaire. On rajoute un petit peu de fracture. Non, enfin, je pense qu'on peut difficilement imaginer un réseau de covoiturage un peu structuré, même informel, qui n'utilise pas des nouvelles technologies. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, ça peut fonctionner par téléphone, mais enfin, là, tous les réseaux que j'ai étudiés ou dont j'ai eu vent fonctionnent souvent avec des applications Internet internes, à code d'accès, etc. Mais et qui est une condition effectivement de l'efficacité et du bon fonctionnement du réseau. Quoi. Et là, c'est intéressant pour un géographe parce que ça veut dire que la technologie est vraiment un ressort dans la construction de l'efficacité du système. Quoi. C'est-à-dire, y compris en termes d'offres, de visibilité de l'offre, de possibilité d'inscription avant, de réajustement en temps réel, on peut difficilement imaginer. Alors si vous covoiturez avec votre voisin qui habite à côté et que vous allez au même endroit et que vous faites ça tous les jours, peut-être même sans portable, ça doit le faire. Mais vous comprenez bien que le minimum, c'est quand même d'avoir un portable pour un retard, un empêchement. Donc effectivement, plus on est équipé, plus on fonctionne par mail, par SMS, par portable, plus on développe, plus ça, effectivement, ça permet des choses. Ça enlève de la vulnérabilité et donc moi je crois que vraiment la technologie là est un ressort et du coup c'est effectivement des effets ségrégatifs parce que c'est conditionné par la maîtrise, hein, et l'accès à ces technologies là et les réseaux très informels, très structurés qu'on a étudiés qui sont assez innovants c'est plutôt des catégories moyennes et supérieures ou alors des gens pas forcément fortunés, mais qui sont diplômés, qui ont fait des choix de vie un peu sobres, mais qui sont diplômés et qui maîtrisent ces outils. Voilà. Je suis désolée, je me permets. Il y a quand même des structures qui existent en fait, pour ces publics en difficulté, c'est ce qu'on appelle les centrales de mobilité. Donc celle à laquelle vous faites référence, c'est Bilatitude, donc dans le PNR du PILA, ça a été la première. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment pour des publics qui n'ont pas accès à la mobilité, qui n'ont pas accès à Internet. Et donc, il y a un central téléphonique où on peut appeler et dire « j'ai besoin d'aller à cet endroit-là ». Et en face, on a quelqu'un qui connaît absolument tout les alternatives à la voiture et qui va vous dire « vous pouvez soit louer une voiture là, dans des garages solidaires, soit prendre le train, soit etc. » Donc ça, c'est quand même des structures qui existent et qui permettent de limiter la fracture sociale. Y compris à Tours. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Il y a des rues qui sont en train de se monter à Tours. La semaine dernière, là. Oui, l'inauguration, c'était le seul problème quand même de ces centrales de mobilité, c'est quand elles s'intéressent uniquement au public en difficulté. Parce que comment vous voulez faire du covoiturage à uniquement des personnes en difficulté dont tu viens de dire qu'elles n'ont pas de voiture. Donc, quand même, ce qui est mieux, c'est quand ces centrales de mobilité sont orientées pour les publics en difficulté et pour les publics sans difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je pense qu'on va lancer les dernières questions, en fait, si on veut être dans les temps. Les deux, trois dernières, en fonction de la taille, un peu questionnement. Voilà. Il n'y a pas une main qui s'est levée quand même. Non, mais c'est moi, c'est pas pour réagir à ce que disait monsieur. Cette question aussi de faire circuler des animaux, c'est juste pour. Ça m'a fait aussi beaucoup que j'ai vu dernièrement sur mon réseau social qu'il y avait une demande. Il y avait un chat qui était sorti de la voiture sur une autoroute en Allemagne, qui apparemment avait été retrouvé, et la personne essayait de faire venir le chat via les réseaux sociaux vers chez elle. Pour dire que oui, les animaux circulent aussi. Bon, tout à l'heure, Laurent, tu parlais des transports privés, des taxis. Je pensais vraiment au système extrêmement souple et flexible des taxis dans les pays des villes du Sud qui s'arrêtent à la demande, qui prennent et qui déposent à la demande, qui parfois leurs itinéraires, font des détours, et notamment les périphéries populaires. Bon, alors, on ne va pas transposer les modèles du sud au nord, même si c'est parfois super pratique, pas très cher, etc. Mais du coup, ça me faisait penser quand même aux grandes villes, et je me demandais si la problématique elle se posait de la même façon dans une ville comme Tours. Dans une ville, une grande ville, bon, comme Paris, alors Paris, vous allez prendre, c'est très régulé par les transports en commun. Mais on sait bien que, par exemple, les relations banlieue à banlieue, elles sont compliquées. Hein. Et du coup, dans ce que vous connaissez, ce que vous avez lu, est-ce que voilà, les pratiques sont les mêmes, les gens se déroulent, ou est-ce que, finalement, il y a des façons de considérer la chose peut-être différentes en fonction des densités, de l'étalement, bien sûr. Moi, j'ai rien lu sur le covoiturage en particulier en Île-de-France. Tu as raison, les problématiques de mobilité changent avec l'échelle. C'est-à-dire, on voit très bien que les problématiques de mobilité à l'échelle d'une ville intermédiaire comme Tours ne sont pas les mêmes d'une grande métropole comme Nantes et à fortiori d'une très grande métropole comme Paris. En Île-de-France, il y a effectivement à la fois quelque chose qui est l'efficacité du réseau RER, mais qui est complètement à saturation. Donc, le réseau RER est à saturation, et pour avoir été récemment sur le terrain à Cergy, on discutait avec les habitants qui disaient que ça devenait vraiment la galère de trouver des places dans le RER pour rejoindre Paris, et que du coup, il y avait quand même des habitants qui prenaient intentionnellement la voiture. Il y a aussi de plus en plus, effectivement, tu l'as souligné, de flux qui sont à la fois des flux tangentiels ou internes à la Grande Couronne, ou entre la Grande Couronne et la Petite, et qui, effectivement, sont imparfaitement desservis par les transports en commun. Donc là où le covoiturage devrait pouvoir être peut-être une solution, mais en tout cas, j'ai rien lu. Aucune étude sur le développement du covoiturage en Île-de-France. Mais c'est sûr que toutes les problématiques de mobilité, elles se posent différemment suivant l'échelle. On voit bien, par exemple, ici, une des singularités, c'est quand même à Tours que l'accessibilité automobile au centre, elle est assez facile, elle est assez fluide, et que c'est aussi un élément qui explique pourquoi les comportements de mobilité ils sont aussi marqués par l'inertie de l'automobile et de l'auto en solo, même si ça change doucement. Voilà, c'est quand même globalement c'est une ville qui est peu embouteillée. En dernier ressort, et je crois qu'on est d'accord avec ça, c'est que c'est vrai que les embouteillages, le stationnement, les difficultés de stationnement et le prix restent des leviers surpuissants et explicatifs des comportements de relativement explicatifs des comportements de mobilité. Donc, quand il n'y a pas de contraintes, ben, c'est sûr que les changements de comportement se font beaucoup moins vite. Voilà. Après, effectivement, à Tours, on arrive aussi très vite en dehors. Très vite à la campagne, par contre. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène-là où le covoiturage, quand on est à la campagne, c'est, et que ce n'est pas desservi par les transports en commun, etc., c'est la seule alternative à la voiture individuelle. Ça peut être la seule alternative. Enfin, c'est pour ça aussi que ça se développe. Voilà. Ça peut être la bourse. Ouais, une dernière question là-bas. J'ai une question. C'est à l'accès général de tous qui lance ce site. Est-ce que justement, alors, c'est aussi le conseil général et de tous qui finance une partie des transports en commun. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à un moment donné, si, de dire, ben voilà, sur certains trajets, ça concurrence les transports en commun, donc on fait le choix de censurer, entre guillemets, des trajets là où il y a des transports en commun. On n'est pas arrivé là encore, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là de censurer qui que ce soit et quoi que ce soit. Après, je ne sais pas si c'est concurrentiel véritablement ici sur l'agglo et sur le département. Je veux bien que vous me donniez des exemples. Là, je... Les publics ne sont pas forcément les mêmes aussi. C'est-à-dire que, par exemple, sur le réseau Fil Vert périurbain, je ne parle pas du rural profond, du sud du département, il y a quand même pas mal de lycéens, quoi, enfin, de jeunes. Ce n'est pas forcément des gens qui recourent au covoiturage. Le covoiturage, peut-être, est plutôt quelque chose qui va être mobilisé par les actifs d'abord ou par des gens qui sont retraités ponctuellement, mais... Donc on n'est pas forcément sur les mêmes profils, donc c'est toujours un petit peu difficile de décréter a priori. Je pense qu'il faut d'abord peut-être essayer de voir, d'élargir la carte des mobilités pour offrir les possibilités aussi de composition modale, quoi. Et les individus, je crois que ça c'est un trait de fond, ont tendance à composer quand même plus et à établir, à construire des chaînes de transport complexes et à varier selon les moments, les temps, les besoins, les activités. Et je crois qu'il faut plutôt fonctionner, enfin, en tout cas moi si j'étais dans le champ de opérationnel, je serais plutôt dans l'idée d'élargir la carte. Après effectivement s'il y a des concurrences majeures, ça implique de réfléchir, de développer peut-être des politiques qui visent à jouer sur l'articulation et la complémentarité plutôt que sur la concurrence. Mais là on est plutôt, en tout cas pour ce qui est du périurbain, dans comment construire la carte, quoi. Et une carte de qualité, de choix qui permettent progressivement aux individus de changer de comportement de mobilité, sachant que le périurbain, le covoiturage est en développement, on est d'accord, mais ça reste finalement quantitativement pas anecdotique, mais une part minoritaire des déplacements. Alors vraiment une dernière mini question. Oui, juste savoir en fait finalement par le parler du conseil général de l'AGO, etc. Est-ce qu'on peut aussi penser à une idée de service public du covoiturage dans le sens où vous avez souligné avant le fait qu'il y ait des sociétés qui se prennent des marges aussi à 20% sur les covoiturages, etc. Est-ce que les politiques de l'AGO se positionnent par rapport à ça et veulent aussi essayer de redonner ça, de se réapproprier ça dans un espace plus démocratique et politique que celui du commerce et du marché? Ah non, non, c'est pas un site où on ponctionne, en tout cas, auprès des utilisateurs, une marge, hein, ça c'est clair. Et c'est une politique de service public ou... Parce que finalement, ça va être sur la question Lyon, parce que finalement ces sites marchent parce qu'il y a un monopole. Donc il n'y a qu'un site de Côte-Antoine, où il y a un site principal au niveau national. Donc bon, le site principal au niveau national, c'est une entreprise. Donc on peut aussi imaginer que l'État décide que non, en fait, c'est un site gouvernemental, ou même sur les publics. Oui, la question est parfaitement légitime parce que concrètement, c'est ce qui se passe à l'échelle locale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de frais de gestion dans l'usage de covoiturage.com, c'est parce qu'on paye les frais de gestion, on les paye dans l'impôt. Est-ce que, enfin, non, mais je veux dire, en toute transparence, un site comme ça, en investissement, je peux le dire, voilà. Un investissement, c'est 25 000 euros. 25 000 euros pour servir toute une population. 25 000 euros, avec la gestion du site, ouais. 25 000 euros en investissement à 50% égal au Conseil général et à l'eau. Et des frais de licence et de gestion du site de l'ordre de 5 000 euros par an. Voilà, en toute transparence. Donc je pense que pour servir un ensemble de populations, c'est faible, c'est faible. Ça vaut le coup quand même de le faire quand on peut mettre, quand on peut aider des gens à se mettre en relation entre eux et à changer les comportements. On n'est pas. Alors le tram, c'est fabuleux, on est là sur des millions d'euros. Donc là, c'est à côté, c'est cacahuète, hein, c'est rien. Donc là, autant le faire. Autant le faire. C'est quand même un choix plus qu'il vous avez fait. Ah oui. Alors juste, on va pouvoir, de toute façon, c'est pas encore fini, continuer les petites discussions entre nous tout ça après. Donc je voulais, alors j'ai quelques petites infos quand même. Bon, je vais commencer par remercier Laurent et Stéphane encore une fois, merci, ouais, ça ira. Marie, Catherine, bon bref, toute l'équipe des Cafés Géo, les trois assos. Alors quelques rendez-vous quand même, le prochain Café Géo sera le 28 janvier, même salle, même heure. Le vélo peut-il vraiment sauver la ville et le monde? D'ailleurs,